À l'occasion du 23e anniversaire du décès du président Kim Il-sung, le président du comité exécutif national ougandais du mouvement pan-africain et le directeur de l'Institut d'homothérapie de Myanmar ont publié respectivement une communication. Ils y ont exalté les exploits immortels du président Kim Il-sung qui a transformé la Corée en puissant état socialiste souverain, indépendant et autodéfensif et fait une grande contribution à l'œuvre d'émancipation du monde.